Piège suprême de l'au-delà, le vent m'emmène enfin là-bas. Piège qui traîne, tu sais pourquoi, le vent se met dans tous ses états.